c'est un harf qui rentre dans les jumla ismiya, fakat. Comme on l'avait appris dans le kitab Awel, les jumla, al akismain, ce sont deux catégories. Jumla ismiya, celle qui commence par un nom, ou jumla firliya, celle qui commence par un verbe. Donc inna, elle ne rentre que sur la jumla ismiya. La salen, tu dis, huwa, voyez, huwa, huwa salafi. Voyez, huwa salafiyun. Huwa là, c'est quoi? Ma yarabuhu, mubtada. Voyez, salafiyun, khabar. Donc là, là-bas, cette jumla, elle n'a rien. Jumla ismiya, khabar, mubtada. Enfin, c'est dans ce genre de phrase que inna va rentrer. Maintenant, on dit tu veux mettre inna sur cette phrase-là. Comment ça va faire? Tu vas être obligé de changer l'écriture et tu vas dire là, tu es obligé de prendre le domir huwa, c'est un domir munfasil. Maintenant, il va être muttasil, il va s'accrocher à inna. Tu vas dire innahu. Innahu salafiyun. C'est le même sens, sauf que là, la phrase est plus forte. Il est certes salafi. C'est-à-dire innahu salafiyun. Innahu salafiyun. Avant, ce roi, c'était Moutada, on l'avait dit. D'accord. Et salafiyun, c'était le khabar. Enfin, maintenant, on a changé. Rayerna irlab a dit jumla. C'est-à-dire, la grammaire de cette phrase, maintenant, son analyse grammaticale, elle a changé. Ce domir-là, Moutasil, c'est plus Moutada. Il a un nouveau statut maintenant. Inna, ça reste inna. Harf, nasr tawkid. Le hu, le domir là, il va s'appeler quoi? Ism inna. Ism inna. C'est le nom de inna. Salafiyun, khabar inna. Khabar inna. Vous voyez? Donc le nom qui vient après inna, directement, quand c'est un nom, c'est son Ismaël. Ism inna. Et le khabar qui vient après, que ce soit une jumla, que ce soit un mufrad, ou que ce soit un jar majul ou quoi que ce soit, ça va être khabar inna. Vous voyez? Non. Là, c'est un exemple avec un domir. Après, on va prendre des exemples avec ism zahir, avec un nom apparent. Vous voyez, مثلا, يقول تأمل ما يلي. Mais dites ce qui va suivre. Inna. Zaid, plus, ça se dit Zaid en arabe, tu vois. Zaid, huwa, yusawi, égal, on dit yusawi, usawa, innahu. Vous voyez, quand tu mets damir munfasil, huwa, avec inna, tu dis innahu. Inna, zaid, hiya, yusawi, innaha. Inna, zaid, anta, yusawi, innaka. Inna, zaid, anti, yusawi innaki. Inna zaid ana, takul innani, ou inni. Tu peux dire les deux. Tu peux dire innani, ma'nounayn, avec deux noun, ou inni avec un noun mouchaddada, avec une chadda. Thumma inna zaid hum, inna hum. Inna zaid hunna, taqul innahu, yusawi innahunna. Inna zaid antum, yusawi innakum. Inna zaid antunna, yusawi innakunna. Inna zaid nahnu, taqul innana ou inna. Tayyib, tu peux mettre les deux. Et dans le Coran, il y en a beaucoup. Si tu remarques bien, c'est souvent très très très, très souvent utilisé. Naam. فسألت تقول إنا ذلناه في ليلة القدر هيك بس إنا طيب الآن يقول أدخل إنا على الجمل الآتية من أنت تقول إنا dans les phrases que tu vas devant toi هو تاجر كيف تقول إنه تاجر نعم أنا طالب إني وإنني طالب نعم هم من اليابان إنهم من اليابان Antum athkiya'u. Athkiya, c'est le djinn de Zaki. Innakum athkiya'u. Eh non, vous êtes ça, vous êtes intelligent. Hiya mutazawwijatun. Elle est mariée. Innaha mutazawwijatun. Non. Nahnu muslimuna. Innana muslimun. Non. Ou je vous ai dit, inna muslimun. Antum ou antunna mujtahidatun. Vous êtes studiante. Ou studieuse plutôt. Inna kunna mujtahidatun. Non. Hunna muslimatun. Elles sont des muslimates. Inna hunna muslimat. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Non. Anta ou anti zakiyatun. Tu es intelligente. Innaki zakiyatun. Non. Taïeb. Hada, ce qu'on vient de prendre là, c'est avec un domir. Taïeb, on a pris inna avec un domir. Maintenant, on va prendre inna avec un ism zahir et un nom apparent qui vient derrière. Yakul ikra al-amsilat al-atiya. Al-mudarrisu jadidun. Una a dit jumla ismiya. Taïeb, une phrase nominale. Al-mudarrisu mubtada. Taïeb, wa marfoua. ومعرفة وجديد خبر مرفوع نكرة بعده إذا أدخلنا إنا في هذه الجملة سيوط إنا كيف نقول إنا المدرسة الآن مدرس إلي تي مرفوع avant quand il était مبتدا mais maintenant il est منصوب parce qu'il est devenu quoi اسم إنا طيب c'est اسم إنا الاسم إنا il est منصوب donc تقول إنا المدرسة جديد. Et Jadidun, lui, c'est quoi? C'est celui-là. Khabar, inna. Fatimatu, tabibatun. Takul, inna Fatimata, tabibatun. Hamidun, mutazawwijun. Takul, inna Hamidan, mutazawwijun. Tayyib? À la fin. Yakul, tamarin, exercice. Atril, inna. Alors, le jumel est atiati, wazbut, awahil, el kalimat. Donc, tu rentres inna dans les phrases qui suivent et tu mets la haraka qui correspond. Ad-darsu sa'bun. Le cours est dur. Inna al-darsa sa'bun. Non. Thanian, al-sayyaratu jamilatun. La voiture est jolie. Ou est belle. Inna al-sayyarata jamilatun. Non. القرآن كتاب الله. إن القرآن كتاب الله. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. آمنة طالبة. آمنة تنتجات. إن آمنة طالبة. نعم. Pourquoi on dit pas إن آمنة؟ Il ne prend pas double, vu que c'est un nom féminin. Dans quel genre de nom il rentre? Dans les mêmes langues, ça. Ah, ça, non, ça ne faut pas de tanouin. Tu dis « inna aminata ». Voilà « inna aminatan ». Ça, c'est khata. « Al-lughatu l'arabiyatu sehlatun ». La langue arabe est facile. « Inna al-lughata l'arabiyatu ». La. « Arabiyata ». Non, c'est un art. سهلتون. نعم لا العربية سنعت ممكن يبقى سويفر المعنوت كل معنوت فالي منصوب بس كسي اسم إنا فالنعت يبقى تبعي كلوي هذه الساعة غالية ست موطر إشار إن هذه الساعة غالية نعم لو اسم إنا اللي هو لعوه إن هذه الساعة غالية لو اسم إنا اللي أبقى le nom démonstratif hadihi c'est sa'ata ism inna c'est hadihi et là sa'a on m'a dit que c'était quoi le ism alif wa lam vient après un ism shara c'est un quoi badal badal le badal il prend un peu comme le na'at il prend le l'i'rab de ce qui est devant lui parce qu'en fait tous les deux sont la même chose le badal voyez el mubdal minhu le nom qui suit sont la même chose par exemple si je dis ja الشيخ يحيى مثلا فيحيى هنا اللي بدل الشيخ تو دي سون باري سيم بيرسون سي دي جا اخوك محمد طيب فمحمد سي اخوك دونك سون بدل دونك يبرون لا ميم شوز كو لوي طيب نعم اي تو فيغ البدل ان شاء الله ديفيرون كاتيجوري دونك لا ايسي اسم الناس هذه مي هذه سي اسم الشهره الحركات لا فاشونج با قبل الضمير ça ça viendra après inchallah ça s'appelle l'ism mabni tu vois pas si c'est la hadi c'est toujours hadi ça change pas tu peux mettre un harf au jar tu peux mettre mubtada tu peux mettre fa'il tu peux le mettre maf'oul bihi il y aura toujours une kasra lui parmi certains noms qui sont comme ça ils changent pas leur afin change pas et ça viendra plus tard inchallah naam thaminan bilalun ghaniyun bilal est riche inna bilalan ghaniyun naam تاسيان المدير في الفصل الديريكتور اي دون لا كلاس ان المدير في الفصل نعم عاشرا الماء بارد لو اي فرواد ان الماء بارد نعم دونك après il te donne un khulasa récapitulatif de ce ders en disant comme on a fait au début مثلا السيارة جميلة لا سيارة سي مبتدا Jamilatun khabar. Maintenant, on va rentrer inna dans la phrase. Ça va être inna sayyarata jamilatun. Donc, inna, c'est comme on a dit, c'est harf, nasb, wa taukid. Wa sayyara, c'est ism inna, donc il est mansoub, il prend une fatha. Et jamilatun, c'est khabar inna. Donc, la première phrase, ça se traduirait par la voiture est belle. Et l'autre, avec inna, c'est certes la voiture est belle. Mafoumada inna? Et Inna, comme je dis, elle a des sœurs. Ta Anna, ta Ka'anna, ta La'alla, ta Leïta. Vous voyez, dans d'autres coutoubes, ils font le même travail. C'est juste après, chaque lettre a un sens différent. Ta Yibsabia, Nekul, ta Ammel, El Misalein, Soumakawun, Jumalen, Mislahuma, Milikalimet, Il Aatia. Donc, il te dit, regarde les exemples. Et à partir de là, tu fais des phrases similaires. El Misal Awen, premier exemple. Amina, أو أفن أم من الهند أنت أم من الباكستان أو أم من باكستان donc il te dit es-tu de l'Inde ou bien du Pakistan donc là A c'est Hamza Istifham après on avait pris Kitab Awal et là en fait c'est une question avec un choix il te dit أم أو أم من الهند أنت أم ça ce أم là c'est où en fait tu vois Min Pakistan. Es-tu de l'Inde ou du Pakistan? Misal Thani, Tabibun Anta, Am Muhandisun. Donc, es-tu un médecin ou bien un ingénieur? Donc, maintenant, il faut que tu fasses pas avec les mots qui sont en dessous. Tu fais des phrases en utilisant et après Am, pour mettre un choix entre deux choses. Fal Awalan Yakul Anta, Mujtahidun Kaslan. Fais une phrase similaire. أنت طالب مجتهد أم كسلان؟ يا بتر من كسلان. فهمي لي؟ أم اسم من الصف. أم كسلان. هكذا. أنت مجتهد أم كسلان؟ Es-tu studieux ou un fainéant؟ هي الصين اليابان. أهي من السن؟ أم من من الياباني؟ نعم. est-elle de la Chine ou bien du Japon؟ ثالثا أنت أو أنت طبيبة ممرضة؟ أنت طبيبة أم ممارضة؟ نعم. es-tu une doctoresse ou une infirmière, une soignante؟ رابعا هم نصارى يهود قاتلهم الله. آمين. أهم نصارى أم يهود؟ نعم على كلين كلهم كفار. نصراني ويهودي فهو كافر. Donc est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien des juifs؟ طيب هذا مسجد مدرسة. أهذا مسجد أم مدرسة؟ نعم est-ce que c'est un مسجد ou bien une école؟ هذه سيارة المدير سيارة المدرس

Antunna bikhayr. La'allakunna bikhayr. Ana najih. Najih, c'est j'ai réussi en fait. J'ai réussi. La'alli najih. Aou. La'allali. Non. Najih. Attends, j'ai un doute. La'allani, je sais plus si. Je suis quelqu'un qui prend pas le coréen. Je sais pas si c'est la'alla. Parce que j'ai pas d'exemple avec la'allani. Tu vois, j'ai un doute. Est-ce qu'il prend le coréen là? Ça aura agir, ça coule le grade, Inch'Allah. طيب فلن تقول لعلي طيب قل لعلي حتى نتأكد نحن ناجحون هذا هو الفريال de la phrase précédente لعلنا ناجحون نعم المدير في غرفته attention maintenant t'as اسم voy لعل المدير في غرفته نعم الاختبار سهل اختبار c'est امتحان c'est examen. C'est, l'examen est facile. La'alla l'ikhtibara sahlun. Non. Taïeb, vous avez un fond ? Hadi Asha, onzièmement. Ikra al-misalayn, thumma akmil al-jumala atiya biwada. Ghalin ou ghaliyatun fil amakin al-khaliya. C'est-à-dire qu'il veut que tu mettes le mot ghalin. Ghalin à la base, c'est ghali, c'est-à-dire cher. Mais lorsqu'il est nakira, il s'écrit qu'il y a un tanouin. Pourquoi ça vient plus tard? Ça s'appelle l'isme mankous. Il y aura un dire propre à cette règle, Inch'Allah. Et son féminin, c'est Ghaliya. Vous voyez, Ghaliya. Donc il dit maintenant, il veut que tu mettes ce mot-là dans la place qui correspond, dans les phrases qui sont en bas. Masalan, yakul, Hazal qalamu Ghalin, avec le tanouin. Asluhu, l'origine, c'est Ghali, avec un ya. Et comme je t'ai dit, lorsqu'il est Nakira, lorsqu'il est Nakira, طيب يسكري هيك التنوين دونك نعم اي كما شدي غالين لا لي نكره التنوين كي هذا غالين سي سي سي با يعني du fait que un tanwin de d'un ism nakira il y a une cause particulière comme je te l'ai dit, qui viendra dans un autre terme, Inch'Allah. Ça, c'est le masculin. Hadha qalamun ghalin. Et le féminin, hadihi as-sa'atu ghaliyatun. Donc maintenant, tu mets ghalin dans les phrases qui viennent, dans les trous. Al-kitab, al-arabiyatu, fi baladina. Ghaliyatun. Non, donc les livres arabes sont chers dans notre pays. هذا الكتاب رخيص وذاك تفضل هذا الكتاب رخيص رخيص نعم وذاك غالي donc ce livre n'est pas cher et celui-là est cher هذا المعجم بمية ريال هو Ghaliyun. Non, donc ce dictionnaire Mourjam, c'est un dictionnaire. Ça peut être quoi, Mous, ça peut être Mourjam. Donc, ce dictionnaire est de 100 rial. Il est cher. Hadi al-haqibatu. Ghaliyatun. Non. Donc, cette valise, ce sac, est cher. Sanya Achar. اقرا المثالين ثم اقرا الجمل الاتيه بعد ذلك اكتبها مع كتابه الاعداد الوارده فيها بالحروف maintenant on va prendre quoi il veut que tu écrives le nom en fait le dénombré qui vient après 100 nous on avait pris quoi on avait pris les adad de min wahid ila 10 on avait dit que wahid lorsqu'il vient souvent il est na' tu dis ja rajulun wahid Isnein, on a dit quoi? On emploie le Moussanna. On rajoute un alif ou un noun à la fin. C'est rien, tu dis Rajulani, pour dire deux hommes. Tu dis pas Isnein Arijan. Tu dis Rajulani. Et de Falatha, il est Ashara, on avait dit quoi? Que le Mardoud, le dénombré, Yukhalif, El Adad, Fil Tafkir, ou Ta'anis. C'est-à-dire qu'il le contredit dans. S'il est masculin, lui va être féminin. Et s'il est féminin, il va être masculin. On a dit aussi que El Mardoud, le dénombré, il est jam, il vient en jam, et il est moudaf ilayhi. Par exemple, tu dis,

Je n'ai pas entendu jusqu'à présent. Normalement, c'est toutes les umlas, tayyib, riyal, riyalat. Ah non, ta dinar, c'est dananya. Il n'y en a pas dedans. Je pense que les monnaies, souvent les monnaies arjamiya, je pense. Les monnaies non arabes, en général. Quand euro, je n'ai pas entendu en plus jusqu'à présent. Est-ce que tu dis euro wat ou madri, je ne sais pas comment on dit. Non. Tayyib, mtazawwaj. Tazawwaj, c'est celui qui est marié. Et l'axe, azab. Tayyib, c'est le célibataire. Et le jam, c'est azab. Tu peux dire ozeb aussi. Il y a plusieurs jams. Tu verras les mots ont plusieurs pluriels. Yahoudi, c'est le singulier de Yahoud. Mourjam, c'est un dictionnaire. Son jam, c'est ma'ajim. Et il est ma'mnoum nasarf. Comme Masajid, Mafatih. Donc tu ne mets pas de tanwin. Dora, c'est le dollar. Le djem, dorarat. Djem ou aneth, salim. Tu rajoutes un alif et un t à la fin. Safha, c'est-à-dire c'est une feuille, ou une page, plutôt. Parce qu'une feuille, c'est waraka. Donc safha, c'est une page. Et le djem, c'est safahatun. Tayyib, safahatun. Najih, c'est celui qui a réussi. Tayyib, celui qui a réussi. Son djem, najihun. Et djem, anaf, djem, muzakar, salim. Tu rajoutes un waw et un à la fin. Comme muslim, muslimoun. Ghalin, on a dit, c'est. Ça veut dire cher. Et kum, c'est les manches. C'est une manche. Kum, avec un shadda sur le mime. Kummun. Tayyib, c'est une manche. Et le djem, akmamun. Tayyib, akmamun. فبهذا انتهينا من هذا الدرس الأول وفيه الخلاصة من أخذنا إن طيب ونفقي إن حرف نصب وتوكيد ونادي كي أغان دان الجملة إسمية et qu'elle transforme المبتدا comme étant son اسم إل et le خبر comme étant son خبر إل et son اسم il est منصوب et son خبر il est مرفوع on a pris لعل c'est les mêmes règles juste le sens qui change on a pris ذو طيب qui veut dire صاحب une chose qui te revient. On a pris le dénombré de après Mia. Et on a pris aussi comment faire une stifam avec Ertière. Une question avec un choix. Eh, un ta min kada, am min kada. Vous voyez ? Avec Ahmad et Stifam. La dédicace, ouais ? T'as une question ? Voilà. On a que ta fille bien. Alhamdulillah.